Marie-Laure est partie, quand Mireille revient. Oui, Marie-Laure. Elle vient de partir par là avec son bateau. Elle a dit qu'elle allait profiter du vent tant qu'il y en allait. Quelle sale gosse cette gamine. Elle m'a dit que ma mère me cherchait alors qu'il n'y avait personne à la maison. C'est encore une de ces blagues stupides. Elle est vraiment impossible, cette gamine. Quelle sale gosse cette gamine. Quelle sale gosse. Quelle sale gosse cette gamine. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque? Ah bah vous alors, on peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Pourquoi vous me demandez ça? Je ne vois vraiment pas le rapport. Mais je connais un peu. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz avec mes parents. Autrefois, quand j'étais petite, nous allions toujours à Vanille-en-Mer, en Bretagne. J'aimais bien Vanille. C'était tranquille, il y avait moins de monde. On faisait de la voile, on pêchait des crevettes, on attrapait des crabes. Et quand il pleuvait, on jouait au portrait. Ou alors, on allait voir de vieux films. Ma soeur trouvait que ce n'était pas assez dans le vent. Enfin, je veux dire, à la mode. Alors, l'an dernier, nous sommes allés à Saint-Jean. C'est plus animé, mais... Mais pourquoi vous me demandez ça? J'ai envie d'y aller. Ma mère en parlait souvent quand j'étais enfant. Est-ce que vous connaissez le Pays Basque? Est-ce que vous connaissez le Pays Basque? Eh bien, vous, on peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Vous avez des questions plutôt inattendues. Vous avez des questions plutôt inattendues. On peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Eh bien, vous, on peut dire que vous avez des questions plutôt inattendues. Pourquoi Mireille est-elle étonnée quand Robert demande si elle connaît le Pays Basque? Parce que c'est une question plutôt inattendue. Je ne vois vraiment pas le rapport. Je ne vois pas le rapport. Je ne vois vraiment pas le rapport. Oui, je connais le Pays Basque. Oui, je le connais un peu. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. L'été dernier. L'été dernier, nous sommes allés à Saint-Jean-de-Luz. Pourquoi Mireille connaît-elle un peu le Pays Basque? Parce que l'été dernier, elle est allée à Saint-Jean-de-Luz. Quand j'étais petite, nous allions toujours à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Nous allions toujours à Belle-Île-en-Mer. Nous allions toujours à Belle-Île-en-Mer. En Bretagne. Quand j'étais petite, quand j'étais petite, nous allions toujours à Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. Où est-ce qu'elle allait en vacances quand elle était petite? À Belle-Île-en-Mer, en Bretagne. C'était tranquille. Il y avait moins de monde. C'était tranquille. Il y avait moins de monde. Pourquoi Mireille aimait-elle la Bretagne? Parce qu'il y avait moins de monde. On faisait de la voile. On pêchait des crevettes. On attrapait des crabes. Et quand il pleuvait, on jouait au portrait. On jouait au portrait. Quand il pleuvait, on jouait au portrait. Où on allait voir de vieux films. On allait voir de vieux films. Qu'est-ce qu'elle faisait en Bretagne quand il faisait beau? Elle faisait de la voile. Elle pêchait des crevettes. Elle attrapait des crabes. Qu'est-ce qu'elle faisait quand il pleuvait? Elle jouait au portrait, elle allait voir de vieux films. Mais ma sœur trouvait que ce n'était pas assez dans le vent. Ce n'était pas assez dans le vent. Ce n'était pas assez dans le vent. Ma sœur trouvait que ce n'était pas assez dans le vent. Pourquoi est-ce que la sœur de Mireille n'aimait pas la Bretagne? Parce qu'elle trouvait que ce n'était pas assez dans le vent. J'ai envie d'y aller. J'ai envie d'y aller. Ma mère m'en parlait souvent quand j'ai des enfants. Ma mère m'en parlait. Quand j'étais enfant. Ma mère m'en parlait souvent. Ma mère m'en parlait souvent quand j'étais enfant. Pourquoi Robert a-t-il envie d'aller au Pays Basque? Parce que sa mère en parlait souvent quand il était enfant.